Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, comme vous le savez, ERTV a tenté de couvrir le 31 octobre dernier la marche de la dignité contre les violences policières et le racisme, organisée entre autres par le PIR, le Parti des Indigènes de la République. Avec la participation de nombreuses autres organisations dites de gauche ou d'extrême gauche, on a pu voir ainsi le Front de Gauche, le NPA, Action Antifasciste Paris-Banlieue, la Ligue d'Autodéfense Juive Antiraciste et Révolutionnaire, accompagnée de quelques personnalités, notamment Boimama, Boussouma, Clémentine Autain ou Philippe Poutou. Lors de cette manifestation, notre équipe de RTV, c'est-à-dire moi-même et ma camarade Stéphanie, nous sommes fait violemment agresser, mettre au sol et voler notre matériel par une dizaine ou une quinzaine d'individus issus de différentes mouvances. Nous allons aujourd'hui revenir sur ces faits, mais aussi et surtout sur l'argumentaire déployé par les manifestants lors des interviews que j'ai pu réaliser et dont nous allons aujourd'hui diffuser les extraits les plus savoureux. Nos équipes techniques ont en effet pu récupérer le son de l'enregistreur audio que je tenais dans ma main. Ces interviews, qui avaient été effacées par la violence des chocs lors de l'altercation, nous allons aujourd'hui pouvoir les écouter et même les commenter. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Alain Soral, président de l'association Égalité et Réconciliation. Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon acolyte Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour à tous. Alors Alain Soral, avant de diffuser la première interview, je vous propose d'écouter un slogan entendu lors de la manifestation et de réagir ensuite. Alors l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. Qu'est-ce que cela vous inspire, Alain Soral, comme... C'est faire un lien entre un combat actuel totalement légitime et rassembleur, qui est le soutien à la cause palestinienne, et de vouloir accoler ça à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire à quelque chose de douloureux, de violent, qui crée des tensions en France. Puisqu'effectivement, on sait qu'on a beaucoup de, notamment de jeunes issus de l'immigration, et notamment de l'immigration algérienne. Donc c'est assez étonnant, effectivement, de vouloir... il y a une idée politique derrière, sans doute, de vouloir relier ces deux combats sur le territoire français, quoi. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'incitation à la... Je dirais un peu à la haine, quoi. Et surtout, c'est contre-productif parce que tous les sondages donnent la population française plutôt à 80% pro-palestinienne. Or, la guerre d'Algérie, outre le fait que la France a quand même gagné la bataille d'Alger militairement, même si diplomatiquement ça s'est passé autrement, ça reste une douleur dans le nombre de familles françaises. Et ça, c'est vraiment un slogan contre-productif. Oui, puis ça donnerait l'idée que, en fait, cette manifestation de Français en France serait téléguidé par des gens qui, finalement, seraient plus intéressés par, une vision algérienne des choses qu'une vision française. Et c'est toute l'ambiguïté, d'ailleurs, de souvent ces gens-là dont on va parler, qui, dès que vous discutez avec eux, vous jettent au visage qu'ils sont français. Hein. C'est pour ça que je crois que Le Pen avait employé l'expression « français de papier ». Mais en fait, au niveau émotionnel, on sent que systématiquement, leur amour va à leur pays d'origine, hein, dont ils ont visiblement du mal à se défaire, même au bout de 3-4 générations, bizarrement, et que leur attachement à la France est un attachement très haineux, en fait, et un attachement de règlement de compte, de passif et de devoir de mémoire, et même de réparation. Hein. Il y a un petit côté là-dedans, Shoah du pauvre. Hein. Et d'ailleurs, il faudrait voir d'où vient cette espèce de logiciel, cette vision. D'ailleurs, Xavier, le PIR, le Parti des Indigènes de la République, c'est qui ? C'est un parti, je crois, qui a été monté à partir de 2005 et puis qui s'est structuré à partir de 2008, et principalement donc, par des gens salariés par l'État et originaires d'Algérie. Donc, tu as fait remarquer que Kouria Boutelja était salarié de l'Institut du Monde Arabe, ou sinon ils sont la plupart du temps dans l'éducation nationale. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont eu énormément de passages à la télé. Je crois que le chiffre qui était revenu, c'était Kouria Boutelja était passé autant à Ce Soir ou Jamais que Attali, par exemple. Et notamment, ils avaient eu accès aux médias suite au blacklistage de Tariq Ramadan. D'accord. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter une première interview. Une jeune femme, d'ailleurs assez honnête en réalité dans ses arguments. On a pu faire un échange très courtois. Et j'ai abordé la question un peu sensible dans cette manifestation de l'immigration. Donc c'est un document assez intéressant. Je vous le fais écouter. Mademoiselle, pardon. Je peux vous poser quelques questions ? Je vais répondre intelligemment. Je suis très impressionnée par la caméra, mais oui. Mais non, vous inquiétez pas. Il ne faut pas penser à la caméra, en fait. Est-ce que je peux vous poser une question d'avant, moi ? Bien sûr. Qui êtes-vous ? Je suis un... C'est un site sur Internet qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Vous connaissez ? Non. D'accord. Donc, en fait, c'est juste pour vous demander qu'est-ce que vous faites ici et pourquoi vous manifestez ? Alors, moi, je suis venue parce que j'ai entendu des reportages sur des médias, des mini-médias... Et ça m'a touchée surtout sous ces histoires de violences policières. D'accord. Toutes ces personnes qui sont mortes et qui n'ont pas le droit à un vrai... qui ont eu des procès, mais où il y a eu des relax. Et j'ai trouvé ça dégueulasse. Je suis prof, je vois certains gamins qui sont toujours en colère, qui sont vénères, et qui, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de, qu'ils n'auront pas débouché dans le monde du travail, qui se sentent mal aimés, qui se sentent... Et quand j'ai entendu en plus ces histoires de violences policières et d'absence de justice pour les gens qui viennent des cités ou qui sont issus d'immigration, moi étant moitié algérienne, moitié française, enfin française mais d'origine algérienne par mon père, et plutôt bourgeoise, et ça m'a déjà foutu la rage. D'accord. Et ça m'a beaucoup touchée, je me suis dit que je devais être là parce que c'était la moindre des choses que je pouvais faire pour donner un peu de visibilité à cette cause, quoi. D'accord. Mais vous ne pensez pas que c'est plus une question économique qu'une question raciale, ce qui leur arrive ? Moi, je pense que c'est un peu les deux. Enfin, je pense que c'est un agrégat entre la question raciale avec le racisme qu'on a hérité de l'ère coloniale et tout ça, mais aussi qui s'agrège avec un problème d'ordre économique et social, plus social qu'économique. Parce que pour moi, il y a une espèce d'osmose entre une lutte sociale, une lutte de classe et une lutte un peu identitaire, enfin un racisme... Enfin, pour moi, ça va ensemble. Vous trouvez vraiment que les Français sont racistes, honnêtement ? Mais je trouve ça bizarre comme question, quoi. C'est pas oui ou non, c'est... Enfin, je pense qu'il y a une partie de la population qui l'est. Je pense qu'il y a des pratiques qui sont parfois un peu racistes, mais qu'elles soient conscientes ou pas. Mais pour moi, c'est plutôt une question... Enfin, c'est un mélange, c'est plutôt une question sociale, en fait. D'accord. Mais je pense qu'il y a aussi un héritage qui fait que on va être... moins clément avec un arabe ou un noir qu'avec un blanc. Mais je pense qu'il y a un racisme racial, entre guillemets, qui s'agrège avec un racisme social, quoi. D'accord. Et donc, ça pose la question de l'immigration. Est-ce que vous trouvez que l'immigration, c'est bien ? Mais c'est débile comme question. Ah non, c'est une vraie question. Je trouve ça... Enfin, déjà, c'est même pas... C'est un fait. C'est un fait. Mais est-ce que c'est un fait qui est plutôt positif ou plutôt négatif ? Ben, si on, historiquement, dans les années 70, les immigrants, on les a fait venir, on allait voir, on allait les chercher en Algérie, au Maroc, en vérifiant qu'ils avaient bien les mains calleuses pour être des bons ouvriers en France, on les savait finir. Voilà. Donc c'était une nécessité économique. Mais c'est plutôt une sorte d'esclavage, la façon dont vous le décrivez. C'est pas bien de faire venir des gens pour qu'ils viennent travailler chez nous, ils ont peut-être un travail chez eux, ils ont peut-être un pays à construire. Oui, non, mais effectivement, quand on les a fait venir en France, c'était pas pour leurs beaux yeux, c'était pour parce qu'on avait besoin de main d'œuvre. Est-ce que c'est bien ça, de faire ça ? De servir des gens pour venir reconstruire notre pays. Vous aimeriez aller en Algérie, construire l'Algérie ? Non, mais par contre, moi je pense qu'à la base, c'est complexe, parce que je pense quand même qu'en France, il y a aussi une tradition d'accueil. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une norme qui a émergé au XXe siècle, où on est censé être antiraciste et tout ça. On est une société qui est censée être ouverte, où il y a quand même un intérêt pour autrui. Et je vois qu'on s'éloigne de plus en plus de cette norme. Et je pense qu'effectivement, enfin, je pense pas que c'est une... En fait, vous posez des questions fermées et ça clôt le débat, quoi. Non, c'est totalement ouvert. Vous... Ah non, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Quoi. Je trouve que c'est... Enfin, vos questions, c'est un peu déstabilisant. Mais enfin, pour moi, là, le problème, c'est qu'on est dans un... On est en crise économique, c'est la merde, et on cherche un peu à opposer un peu en ce moment. C'est les chômeurs contre les travailleurs, les fonctionnaires contre les gens du privé, les bons Français contre les méchants immigrés. Alors justement, est-ce que c'est pas le but de l'immigration que d'opposer les gens entre eux, en fait ? Bah à la masse, c'était une immigration économique, donc oui, voilà, c'était pas double fonction, c'est-à-dire dans un premier temps, se servir d'eux comme main-d'œuvre esclave, et dans un deuxième temps, en plus, diviser les gens entre eux et créer des luttes horizontales. Oui, en ce moment, oui, effectivement, on cherche des boucs émissaires. Le super bouc émissaire number one étant le Rhum. Ouais. Mais oui, je pense que ça permet surtout d'éviter les vrais débats qui sont plutôt d'ordre socio-économique. Mais après, je ne sais pas si c'est le but, mais c'est très pratique, effectivement. Très pratique. Merci beaucoup, madame, en tout cas. De rien. Merci. Donc voilà, on vient d'entendre cette première interview, 3 minutes. Elle est prof, en plus. Ouais, elle est prof. Elle est prof. Il y a quand même un esprit très confus, hein, on peut le dire. Il y a une confusion, ouais. On se mélange un peu des choses un peu structurées, effectivement, que tu lui donnes, en fait, hein, que tu l'aides à, dont tu l'aides à accoucher. Et puis, tout le gloubi-glouba antiraciste, c'est triste parce qu'on voit qu'il y a l'utilisation de la gentillesse, parce que c'est une personne gentille, c'est certain, par des manipulateurs politiques, eux, qui... sans doute ont des objectifs complètement opposés aux siens, quoi. Et visiblement, elle n'en a pas conscience et elle est éducatrice. Donc là, on peut vraiment s'inquiéter pour le devenir de la, comment dirais-je, de la paix sociale et de la paix civile en France, oui. Et tout à l'heure, je reviens sur le slogan de tout à l'heure, il rajoutait également « Le Vietnam a vaincu, la Palestine vaincra ». Alors là, ça pose la question de la communauté asiatique en France. Oui, j'en ai souvent parlé de ça. Oui. Ouais. Les Asiatiques ne se laissent jamais manipuler par ce genre de truc. C'est une vraie réflexion. Les Vietnamiens qui ont été colonisés comme les Algériens, qui ont mené une guerre de décolonisation violente qu'ils ont d'ailleurs gagnée, puisque la Dien Bien Phu, c'est le contraire de la bataille d'Alger. C'est-à-dire qu'on a perdu là-bas. D'ailleurs, l'armée française de l'époque a perdu. Et pourtant, il y a beaucoup d'Asiatiques en France, hein, d'origine vietnamienne essentiellement. Ils ne sont jamais dans l'exigence de la repentance, jamais dans les réparations. On va dire qu'ils sont dans ce que j'appelle, moi, un communautarisme de séparation. Ils sont ni dans l'assimilation, ni dans la pseudo-assimilation. Ils sont dans une espèce de communautarisme de séparation. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de racisme anti-asiate en France. On n'y pense même pas, d'ailleurs. Systématiquement, la question du racisme touche les Français d'origine nord-africaine et africaine. Voilà. Et là, il y a vraiment des questions à se poser de fond. Comment se fait-il qu'on arrive à manipuler des gens et pas d'autres? Comment se fait-il que certaines personnes vont sur certains terrains, repentance, dialectique de l'excuse, réparation, et d'autres, ça ne leur vient pas à l'idée? Il y a aussi comparer la réussite économique des descendants de migrants asiatiques par rapport au relatif échec économique des descendants de migrants africains et nord-africains. Enfin, tout ça pose des questions, je dirais, très profondes. Est-ce qu'il y a des différences d'aptitude civilisationnelle par rapport à certains modèles de civilisation, toujours selon certains critères, hein, critères d'efficacité technicienne, critères d'adaptation à la société marchande, on peut, voilà. Mais il y a quand même des faits lourds et récurrents, c'est-à-dire que les problèmes viennent toujours des mêmes les manipulations sont toujours à peu près les mêmes. Hein, on le voit bien. D'ailleurs, ça me vient à l'idée comme ça. L'avocat de Benzema est maître Jakubovic. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais on peut en voir. Hein. Ça a pu en étonner certains. Alors Xavier, tu voulais dire quelque chose ? Oui, non, dans cette intervention, ce qui transparaît, c'est une confusion du discours due à une confusion au niveau de la question identitaire et le drame du métissage. C'est-à-dire que cette question qui est chez les individus qui ont une seule identité, qui est réglée à peu près à l'âge de 5-6 ans, là, on voit que la nana, elle est complètement engluée là-dedans. Il y a de l'ethnomasochisme, elle se sent coupable d'être blanche. En même temps, c'est son père qui est algérien. Elle dit qu'elle est bourgeoise et on sent vraiment... dans la question avec le métissage, la création d'individus fragiles, parce que la question identitaire, qui est la question basique, n'est toujours pas réglée à 40 ans. Quoi. D'accord, alors là, on va écouter un deuxième extrait. Donc là, ce sont des jeunes gens qui défilaient sans étiquette et que j'interrogeais. Et en fait, moi, au cours des interviews précédentes, j'avais posé plusieurs fois la question, mais en fait, le racisme, vous le vivez personnellement, et comment il se traduit dans votre vie? Et en fait, à chaque fois, on me répondait « Non, moi, personnellement, je ne subis pas le racisme, mais effectivement, il y a du racisme. » Et là, vous allez entendre, c'est assez drôle, parce que la personne me dit « Oui, j'ai vécu du racisme, vous allez écouter ça. » Vous êtes ici, pourquoi vous manifestez? Qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi on manifeste? Je sais pas, tu veux répondre? Non, moi, je... Ouais, Kevin, non. Allez, Kevin. On manifeste déjà, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. Pourquoi vous manifestez? Quelles en sont les raisons? On manifeste contre le racisme. Je pense contre... Putain, merde, je sais pas quoi dire, là. Oui, parce qu'on est en accord avec la manière dont le racisme est défini ici, en fait. Le fait que ce soit un racisme qui soit plus large que juste les insultes, que ce soit mieux que... Enfin, c'est pas SOS racisme, quoi. qu'on ait conscience de la discrimination en général, que c'est une vraie dénonciation générale. Vous trouvez que la société française est raciste ? Ça dépend, c'est quoi cette question ? Enfin, je sais pas ce que vous voulez dire. Vous défilez contre le racisme, donc c'est qu'il y a un racisme ? Bah oui. Et ce racisme, il concerne qui en fait ? Qui est raciste envers qui ? On est tous concernés, non ? Bah, je sais pas, je vous pose la question. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus concernées que d'autres du fait que... Mais que finalement on est tous concernés. Ouais, je... Non mais du fait que c'est une structure quand même... Fin... Je voudrais dire qu'on est tous non. concernés. J'arrête. On est tous concernés. Non mais je pense que des personnes sont en raison de leur phénotype, enfin de leur couleur de peau supposée et de leur appartenance ethnique supposée, sont plus concernées que d'autres. Donc vous-même, vous subissez le racisme au quotidien ? Oui. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais je l'ai subi en tout cas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'ai compris par certaines blagues que j'étais différent, que j'étais noir et que j'étais pas, je faisais pas partie de la norme en fait. Vous êtes différent en étant noir. Oui, c'est mais pas ça grave. Pourrait... Non, mais tout le monde est différent. Enfin, on est tous différents. Et oui. Ça pourrait être, surtout différent par rapport à qui ? Ça veut dire quoi être différent au final ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être pas nous, comme. Tu vois, tu nous poses des questions, mais on trop pose des questions. Moi, je suis différent. Moi, je suis différent de vous. C'est pourquoi le. En fait, ces différences, elles sont significatives. Attends, c'est pourquoi ? Moi, je suis pour. Moi, c'est égalité et réconciliation. Ah bah, ok, au revoir. Ah ouais. Ah non. J'avais senti que c'était bizarre, tu vois, qu'on m'a posé des questions. Ouais. On sera sur le site, ça veut dire ? Comment ? On sera sur le site ? Bah, je sais pas. Pourquoi vous voulez pas ? Non, merci. Mais pourquoi ? Parce que non. Attends, sérieusement, est-ce qu'on peut, est-ce que tu peux supprimer ? C'est bête, c'est dommage, parce que tu vois, on discute. T'as l'opportunité d'expliquer ce que tu penses, tu vois. Attends, mais est-ce que... Non, mais c'est ça. On a tout le temps l'opportunité d'expliquer ce qu'on pense. Est-ce qu'on peut supprimer ou pas ? Est-ce qu'on peut supprimer ou pas ? Bah, mais pourquoi tu veux... J'ai pas trop envie d'être sur le site, tu vois, mais... Mais on peut te flouter. Non, mais je peux choisir quand même. Oui, bien sûr, mais... Non, mais sérieusement, est-ce qu'on peut choisir d'être ou pas ? Oui, tu peux choisir. Bah, est-ce que tu peux supprimer ? Mais je te pose juste la question, pourquoi, en fait ? Bon, c'est pas grave. Bah, mais c'est dommage, tu comprends que c'est dommage. Non mais c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce... Alors dites-le que vous êtes pas d'accord. Bah je te le dis, je suis pas d'accord. Et donc en quoi tu es pas d'accord ? Bah je te pose la question. On peut arrêter ? On arrête. C'est clair. Vas-y, bon bah vous êtes pas d'accord. Ok, merci. Ouais, non plus t'es pas d'accord là. Voilà, on atteint vraiment le niveau zéro de la pensée. C'est-à-dire l'antiracisme comme niveau zéro de la pensée. Et puis toujours avec quelque chose de très agressif derrière, et de très, c'est-à-dire c'est le contraire même de l'idée que la raison peut être un facteur d'universel, tu sais. Là, c'est l'incapacité de penser, la suspicion systématique, et la réponse par l'agressivité et les slogans. En fait, ça fait beaucoup penser au film sur les séries télé sur les jeunes filles américaines. On a l'impression, tu sais, que le but du système de domination, c'est de nous amener au niveau de bêtise d'une jeune fille américaine de la classe moyenne, tu sais, qui sait plus que glousser, pratiquement. Et d'ailleurs, dans les réponses les plus bêtes sont celles de la fille. Hein. On est tous concernés. Ouais, c'est bête comme une jeune fille bourgeoise de gauche. C'est ce que j'avais déjà sorti dans les années 90 quand j'avais écrit vers la féminisation. Hein. Et puis avec cette idée qui leur échappe totalement, c'est que effectivement, quand on est noir en France, on est différent parce que la France n'est pas un pays d'Afrique. Alors après, on peut dire qu'il y a eu la colonisation, qu'il y a l'espace francophone, qu'il y a tout ça. Donc il y a des raisons pour que des Africains soient là, que même parfois ils n'ont pas voulu être là, qu'effectivement la question de l'autre est une question éternelle, c'est-à-dire qu'il y a toujours une réaction d'angoisse immédiate au moment de la rencontre de l'autre, qui demande des médiations, etc. Ça existe dans toutes les sociétés. Y compris dans les sociétés africaines, hein. Il n'y a pas d'antiracisme nulle part, en réalité. L'antiracisme n'est pas premier. Hein. Et d'ailleurs, l'antiracisme n'est pas le contraire du racisme, d'ailleurs. Et ce qui est premier, c'est effectivement la peur de l'autre, l'inquiétude face à l'autre, et le désir du même, et l'association de la proximité du même avec l'apaisement. Hein. Ça, c'est des fondamentaux anthropologiques. Mais le problème, c'est qu'on a produit une pensée dominante d'abrutissement total, qui s'est accéléré dans les années 80 sous Mitterrand, et là on peut le dire, pour que l'antiracisme et l'antifascisme, qui étaient accolés, hein, racisme-fascisme, remplacent la question sociale au moment du virage de la rigueur à partir de 83, où la gauche officielle, c'est-à-dire le Parti Socialiste, a tourné le dos à la classe ouvrière, a opté pour le néolibéralisme mondialisé, et c'est là qu'on a mis sur orbite, effectivement, l'opération SOS Racisme, qui, je le rappelle, vient des étudiants juifs de France. Hein. On boucle toujours la boucle de la même façon. Xavier ? Non, puis il y a cette idée qui revient toujours dans le discours, c'est l'idée qu'il y aura un racisme structurel en France et qui serait la cause des supposées discriminations. Or, on peut quand même faire remarquer que si un Français de souche postule dans un kebab, bon, bah, il n'a aucune chance d'être pris, tout simplement parce qu'il n'est pas turc. S'il postule dans un restaurant chinois, c'est une entreprise familiale qui embauche des Chinois. Donc, à la limite, les seules entreprises qui embauchent des gens qui ne sont pas de leur communauté en France, c'est les entreprises tenues par des Français de souche. Donc, on peut quand même faire remarquer que le problème, à la rigueur, c'est le problème du communautarisme et que la seule communauté qui emploie des gens d'autres communautés, c'est la communauté française de souche. Donc, le racisme structurel, c'est un fantasme. La communauté française de souche, tu remarqueras que les gens qui se considèrent comme Français de souche sont souvent issus de l'immigration, mais se sont assimilés réellement, c'est-à-dire d'origine italienne, portugaise, espagnole, polonaise. Hein, Platini ne s'est jamais senti italien quand il jouait au football. Et même Georges Brassens, qui est le génie de la chanson française, est d'origine italienne, si on remonte à une ou deux générations. Et faire une remarque subsidiaire, en fait, la France est dans un malaise terrible parce qu'elle est à mi-chemin entre l'assimilationnisme qui correspond à l'universalisme français et le communautarisme intégral américain. Aujourd'hui, elle est entre les deux, c'est-à-dire au milieu du guet, c'est-à-dire les deux pieds dans l'eau, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on a... à la limite, c'est fatal, mais comme on ne pourra pas revenir à l'assimilation, puisque de toute façon, assimilé à quoi ? À Bernard-Henri Lévy, à Manuel Valls éternellement attaché à Israël, donc il va falloir aller vers le communautarisme intégral pour cesser de culpabiliser en permanence la communauté majoritaire et légitime, qui est la communauté indigène, je le rappelle, puisque les indigènes, c'est nous. Hein, les autres sont les allogènes. Hein. Alors là, nous allons écouter un troisième extrait, donc une dame qui a un discours, je vais vous le laisser entendre, on parle encore d'immigration, un discours illogique, vous allez voir. Bonjour. Je peux vous poser quelques questions ? Pourquoi ? Sur ce que vous faites ici. Ben oui, je me promène. Ah, vous êtes pas dans la manifestation ? D'accord. Vous manifestez contre quoi ? Bah moi, comme eux, comme le slogan le dit, pour la dignité et contre le racisme. Donc il y a du racisme dans la société française ? Ah bah oui, oui, oui, oui. Ça, je peux vous assurer qu'il y a du racisme. Les gens ne supportent pas, le gouvernement fait tout pour monter les gens contre, les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'en ce moment, là, on en est après les musulmans, vous voyez. Je me rappelle que mes parents me parlaient qu'avant-guerre, c'était contre les juifs. Donc nous, on a choisi, enfin eux, ils ont choisi un truc contre les musulmans. C'est du racisme, c'est monter les gens les uns contre les autres. Parce que honnêtement, un musulman, qu'est-ce que c'est ? C'est une pensée qu'il a à l'intérieur de lui. Ça ne se voit pas sur sa tête, un musulman. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme un juif. On accusait les juifs avant-guerre d'être juifs, alors d'avoir des tas de trucs comme ça. Les musulmans, ils sont coupables de tout. De terrorisme, de je sais pas quoi. Enfin, on invente au fur et à mesure. Moi, j'appelle ça du vrai racisme, vous voyez ? D'accord. Et est-ce que vous faites le lien entre ça et l'immigration ? C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que l'immigration, finalement, ça a été fait pour ça ? Pour diviser les gens, pour opposer les gens les uns ? Quelle immigration, vous parlez ? Il y a toujours eu de l'immigration. Vous empêcherez jamais l'immigration. Vous empêcherez jamais un être humain de bouger. Enfin, l'être humain, il est curieux. Il est dans sa nature, c'est profondément dans sa nature. Il a toujours bougé. Enfin, regardez l'histoire, même nos ancêtres, je parle d'avant... Avant la préhistoire et tout, c'est quoi ? Les humains qui étaient sur le continent africain, qui se sont mis à avancer et qui sont partis sur tout le monde. Donc à ce moment, les réfugiés, les immigrés, comme vous dites, oui, ils bougent. Ils bougent. Alors certains pour des justes raisons, ils ont leur pays en guerre. D'autres pour des problèmes climatiques, où parce que c'est ça aussi le climat, il y est pour quelque chose. La politique, plus exactement, les gens qui font de la politique. Donc c'est ça, moi je pense pas que ça soit lié. L'anti-musulman avec l'immigration et tout, ça n'a rien à voir. Il y a des immigrés qui ne sont pas musulmans. Et moi, je trouve que la migration, c'est une richesse. Moi, personnellement, je trouve que les immigrés, ils nous apportent quelque chose. Ils apportent leur culture, ils apportent leurs connaissances, ils apportent leurs sentiments, leurs sensations. Et pour moi, je trouve que c'est une grande richesse. Alors, plutôt que de monter les uns contre les autres, il ferait mieux de réfléchir et de se dire, mais qu'est-ce qu'on a comme chance d'accueillir ces gens-là, je vous assure. Mais est-ce que l'immigration ne sert pas le grand capital ? C'est ça la question que je voulais vous poser. Ah non, c'est le grand capital qui se sert de l'immigration, c'est pas la même chose. Oui. Ah bah oui, mais c'est ça, c'est le grand capital. Parce que si franchement, si c'est le grand capital n'en voulait pas de l'immigration, il y a longtemps qu'ils auraient trouvé les solutions. Oui, donc on est d'accord. Mais c'est pas les immigrés qui servent le grand capital, c'est le grand capital qui utilise. Oui. Mais ils n'ont pas besoin de ça, hein. S'il n'y avait pas ça, ils trouveraient autre chose. Ça, je leur fais confiance là-dessus. D'accord, merci beaucoup madame. Je vous en prie. Là, pareil, il y a une synthèse, comme dirait Audiard. Alors Alain Soral, est-ce qu'il est naturel pour un être humain de migrer ? Non. Le rêve d'un être humain, c'est de s'enraciner, parce que de toute façon, quand on, l'être humain doit se reproduire et reproduire sa force de travail. Pour reproduire sa force de travail, il faut qu'il se fixe. Les métiers qu'on peut faire en bougeant sont essentiellement des métiers d'intermédiaires et de parasites. Hein, ça, c'est les métiers de nomades, hein, qui sont souvent soit prédateurs, soit parasites. Donc le rêve de l'humain, c'est de se fixer pour pouvoir produire et se reproduire, hein, c'est-à-dire prendre femme, construire sa maison. Et quand il bouge, c'est en général qu'il y est contraint, soit par des violences humaines, soit par des violences climatiques. Aujourd'hui, si on voit la vague de migration syrienne qu'on prend dans la gueule en Europe, c'est parce qu'il y a un acharnement à détruire un pays qui s'appelle la Syrie. Donc déjà, cette dame ne maîtrise pas les fondements anthropologiques. C'est que de l'idéologie dominante récitée bêtement. Ce qui est tragique, c'est qu'on est vraiment là-dedans, chez des gens qui ont un cerveau dysfonctionnel, quoi. C'est-à-dire, qui, en plus, si on pousse la logique plus loin, en général, sont dans le masochisme social. Parce que dire de s'extasier devant l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui et dire que c'est une chance et qu'il faut s'en réjouir, j'invite n'importe quel Français de province à aller se balader rue Caplat à Barbès, ou à Barbès-Rochechouart. Et là, on a un constat totalement inverse. La manière dont ça se passe est une catastrophe. Hein, voilà. Donc, première chose. Deuxième chose, elle dit les musulmans, être anti-musulman, c'est du racisme. Ça, c'est vraiment... je ne discute pas sur le fond. Évidemment, aujourd'hui, il y a un anti-islamisme mondial qui vient des États-Unis, hein, choc de civilisation, etc. Mais c'est comme dire que l'antisémitisme, c'est du racisme. L'islam, c'est une religion. Alors même si historiquement elle est marquée, elle est fixée dans la péninsule arabique, la majorité des musulmans aujourd'hui sont des Indonésiens, sont des Asiatiques. Hein. Voilà. Donc déjà, elle confond. Le racisme se redouble en France d'une hostilité aux Maghrébins, donc qui viennent d'Afrique du Nord, qui est une espèce de crainte, avec un passif colonial et un passif de décolonisation, plus effectivement une inquiétude face à une religion autre, parce que je rappelle que la religion majoritaire en France est profondément française, c'est le catholicisme apostolique et romain. Hein, Donc elle nie bêtement par des slogans qui n'ont aucune épaisseur, je veux dire, des réalités dont il faut tenir compte, même si c'est pour essayer d'aller vers un ailleurs. Hein. Parce que si on veut essayer de faire évoluer une société, il faut commencer par prendre en compte ses fondamentaux, les comprendre, et ne pas... Alors que là, il y a c'est balayé d'un revers de la main méprisant des fondamentaux et des réalités anthropologiques, sociales et historiques qui sont des masses à bouger, qui pèsent des poids énormes. Donc ce genre de pensée d'une stupidité intégrale ne peuvent produire que des catastrophes qui se retourneront en dernière instance contre cette personne. C'est une évidence. Hein. Parce que là où je vais faire une remarque, c'est que pour être antiraciste, il faut être deux. Hein. Je l'ai compris à mes dépens, notamment par mon activité politique au sein d'Égalité et Réconciliation, et toutes les trahisons récentes que j'ai subies, qui sont toutes des trahisons de gens venant, de gens issus de l'immigration, et qui avaient ce prétexte-là au moment où il fallait me trahir ou mal se comporter avec moi, qui avaient cette excuse faussement moral pour me trahir, que c'était à un moment donné je redevenais le méchant blanc, vous voyez. Or en fait on a beaucoup nous travaillé en tant que chrétiens, en tant qu'humanistes, parce qu'il y a une réalité historique sur effectivement la colonisation française, qui est surtout un mensonge par rapport aux droits de l'homme, c'est-à-dire un processus qui s'est accompli de manière violente au moment où on est passé de la monarchie. Amit ne serait pas posé de problème puisque les Anglais, eux, ont fait la colonisation au nom du roi d'Angleterre, et nous on s'est mis à coloniser violemment au moment de la prise du pouvoir politique en France des droits de l'homme. Et si on se rappelle Jules Ferry, au nom des droits de l'homme, on a dit qu'il fallait civiliser par la force les races inférieures. Donc là, le vrai problème français, c'est cette schizophrénie et ce mensonge intégral. Et je rappelle que, François Hollande, quand il a été élu président de la République, notamment par le vote, massivement aussi par le vote immigré, puisque je crois que 93% des Français originaires de l'immigration maghrébine votent ce Parti socialiste, il allait se prosterner devant le monument de Jules Ferry, qui est le raciste intégral, le racisme colonial venant de la Troisième République, essentiellement. Hein. Donc c'est ce mensonge français qu'il faut gérer, effectivement. Mais quand on l'a géré et qu'on a compris, effectivement, que la colonisation s'était faite était une violence de droite accomplie au nom de valeurs de gauche, donc quelque chose qui est très compliqué à gérer. Après, on peut essayer d'aller au-delà, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que sur le modèle, je dirais presque, de la repentance shoatique, on est systématiquement dans une dialectique du « nous » ou du « vous », où des gens qui n'ont pas subi la colonisation montre du doigt des gens qui ne l'ont pas pratiqué. C'est-à-dire, effectivement, quand un Salim Laibi ou une Farida Belghoul, un Mathias Cardet me rentrent dans la gueule. Vous voyez ? Là, on est dans la malhonnêteté intégrale. Et aujourd'hui, tout l'antiracisme institutionnel sert d'abord à de la malhonnêteté et surtout est un frein total à l'accomplissement social des gens qui se servent de cette stratégie de l'excuse et de la malhonnêteté. Parce qu'en dernière instance, c'est l'assimilation qui est ratée et la réussite sociale qui est ratée pour les gens qui ne sont que dans cette dialectique de l'excuse et qui expliquent toujours leur échec individuel par des causes extérieures et qui attendent toujours qu'on réussisse pour eux et à leur place. C'est d'ailleurs ce qui se passe, parce que c'est jamais eux qui passent à la caisse. Ils sont toujours manipulés et toujours trahis. Hein, parce qu'il suffit de regarder l'histoire depuis justement la prise du pouvoir idéologique en France, des SOS racisme et de l'antiracisme institutionnel. Les dindons de la farce sont systématiquement les Français d'origine immigrée. On leur a jamais rien donné que des miettes. On s'en sert de bouc émissaire chaque fois que c'est utile. Hein, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les partis de gauche qui nous avaient dit que les immigrés étaient des chances pour la France nous disent aujourd'hui que ce sont tous des dangereux terroristes islamistes potentiels. C'est les mêmes qui produisent ce discours. Et malgré tout, beaucoup de ces gens-là, beaucoup trop, n'arrivent pas à se sortir de ce piège, qui est vraiment un piège, qui, je le dis en dernière instance, se referme le plus douloureusement sur eux. Alors Xavier, cette dame manifestée devant les banderoles du NPA, est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui est... C'était une militante du NPA. C'est pas une militante du NPA, mais elle était proche, là, en fin de manifestation. Ouais. Donc, ces nouveaux partis anticapitalistes, c'est Olivier Besancenot, Alain Krivine, on en a déjà beaucoup parlé sur le site, mais cette dame était blanche. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est de l'ethno-masochisme intégral. Donc là, je vous propose d'écouter une quatrième interview. Donc celle-ci est un peu plus longue que les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une interview qui est centrale. Il faut savoir que, donc là, j'interroge une jeune fille... qui se dit faire partie d'un mouvement, les Amis de la Terre. Donc Xavier, tu nous parleras peut-être après. Et c'est elle que je soupçonne très fortement d'avoir fait en sorte qu'on se fasse agresser. Puisqu'en fait, c'est elle qui prévient ses amis Antifa qu'on est dans la manifestation et qu'il faut nous voler la caméra parce que après l'interview, elle voudra... Vous allez l'entendre, elle voudra faire effacer les vidéos et devant mon refus, elle partira et 3 minutes après cette interview, on se fera agresser. Donc je vous propose de l'écouter, vous allez voir, alors là c'est du haut niveau, donc là c'est vraiment l'heure la plus sombre. Vous allez vivre les minutes les plus sombres. Bonjour, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Moi j'arrive pas à parler aujourd'hui. Non, pas mal. C'est des questions très simples, qu'est-ce que vous faites ici? Clémence. Là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Vous êtes la porte-parole de ce petit groupe. Nous, on est les jeunes amis de la Terre. On n'est pas un groupe... On manifeste pas en tant que les jeunes amis de la Terre ici. Mais on a appelé les jeunes amis de la Terre à venir. Les jeunes ? Les amis de la Terre, on est un groupe écolo. D'accord. Mais on a appelé les militants à venir, mais on manifeste pas en tant que les jeunes amis de la Terre. On vient soutenir, quoi. Et donc, vous soutenez quelle cause ? La dignité, l'antiracisme porté par les premiers concernés... Donc vous pensez qu'il y a du racisme dans la société française? Oui, d'État. Du racisme d'État. Oui. D'accord. Et il s'exprime comment ce racisme? Moi, un des exemples les plus forts, c'est la loi qui a banni le voile, le hijab des écoles. Et plus tard, ensuite, la loi qui a banni le tchador en France. Pour moi, tout ça, c'est des symboles très forts du racisme d'État. Ouais. D'accord. Est-ce que vous faites le lien entre la montée du racisme que vous décrivez et l'immigration de plus en plus importante? Non, je pense que le racisme il a toujours existé en France. Il a juste changé de visage. Avant, c'était plus de l'antisémitisme. Maintenant, c'est de la xénophobie, plus basée, je pense, sur la couleur de peau parce que la France, elle est moins blanche qu'avant. Et je pense que non, la France, elle a toujours été raciste. Pour moi, c'est un pays qui est profondément raciste et qui doit vraiment se remettre en question. Pour vous, la France est raciste? Ah ouais, vraiment. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Faut que vous m'expliquiez. Moi, je suis blanche. Moi, j'ai une famille qui est 100% blanche. Moi, j'entends tout le temps des trucs racistes dans les dîners de famille, sans arrêt. Des trucs antisémites, des trucs islamophobes. Le féminisme français, d'ailleurs, moi, je suis féministe. Et le féminisme français, extrêmement islamophobe, paternaliste, donneur de leçons, ethnocentré. Moi, la France est profondément, profondément raciste. Ouais. Merci beaucoup. C'est quel média, en fait? Nous, c'est un média, c'est Égalité et Réconciliation. Vous connaissez? Ah, c'est chaud, ça. Pourquoi? Ça, c'est Soral, ça. Ouais, c'est Soral, ouais. Ouais, Soral, il est raciste de ouf. Ah ouais, vous trouvez? Ah bah ouais, pas qu'un peu, hein. Ça, c'est de la gauche nationaliste brune. Ah ouais. Mais bon. Vous aimez pas les nations? Les nations, ça dépend quand c'est porté par qui. Quand c'est porté par un ex-pays colonisateur qui a mis en chaîne la moitié de l'humanité et qui continue à profiter de ce qui reste de l'esclavage, de la colonisation. Non, je suis pas nationaliste, je suis pas patriote. On peut pas dire que les dirigeants actuels soient nationalistes, pourtant la France intervient partout dans le monde. Les dirigeants actuels sont pas nationalistes? Ah bah non. Qui? François Hollande, c'est ça? Ah oui, François Hollande, Sarkozy, ils sont nationalistes pour vous? Mais bien sûr, mais ils défendent l'intérêt de la France, mais au secours quoi. Mais ils sont européistes. Mais n'importe, mais c'est enfin... non mais on sera, c'est chaud. Ah ouais. Mais européistes, mais ils viennent de fermer Schengen, mais qu'est-ce que, mais bien, on défend les intérêts de la France, on défend pas l'intérêt de l'Europe quand François Hollande il va dans des pays, il vend le Mistral, il vend pas les Volkswagen, mais qu'est-ce que vous racontez quoi, c'est chaud. Putain. Mais bon, c'est bien que l'égalité et la réconciliation entendent ça parce que c'est hardcore. C'est hardcore, vraiment. En tout cas, c'est très gentil de votre part d'avoir répondu. Bah ouais, je sais pas si j'aurais fait. Pourquoi il y a la Ligue des droits de l'homme sur un truc avec égalité et réconciliation? Ah, c'est un truc marrant, c'est pour rigoler. Hein. On m'a donné ça. Déjà, je trouvais que la Ligue des droits de l'homme c'était raciste, mais alors là, je suis encore plus circonspecte. Hein. Donc pour vous, je suis raciste? Bah en fait, je pense qu'on vit dans un système raciste, donc chaque personne qui est dans ce système a une vision raciste. C'est comme, par exemple, tout le monde est sexiste. Moi, je suis féministe, mais moi, j'estime que tout le monde a une perspective biaisée du fait du système. C'est pareil pour le racisme. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'argumentaire raciste et mon but dans la vie, c'est de le démonter. Mais moi, je sais que je suis influencée par des perspectives racistes. Des fois, j'ai des réflexes, qui sont xénophobes, qui sont intolérants. Et c'est pour ça qu'il faut toujours remettre en question, et surtout en tant que blanche, parce que moi, je suis la seule qui bénéficie du système raciste, parce que c'est un système hiérarchique qui bénéficie uniquement aux blancs. Non mais on n'est pas d'accord du tout. On n'est pas d'accord du tout. Là, c'est deux visions, deux mondes qui s'affrontent là. Enfin, ouais. Qui s'affrontent pas d'ailleurs. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que. Mais moi aussi, je n'en ai pas. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand on vous interpelle et qu'on vous dit ce système, il vous profite à vous et vous savez pas ce que vivent les autres, vous continuez à parler en fait. C'est comme moi quand je parle avec un mec et qu'il m'explique la lutte féministe, c'est hyper énervant parce que en fait, tu sais pas. Tu sais pas que toi, tu profites d'un système. Il y a mille façons différentes dont on nous oppresse, mais vous voulez quand même porter la lutte et qu'on ferme nos gueules. Moi, en tant que blanche, quand j'écoute ce que me disent mes concitoyens noirs, arabes, chinois, etc., je peux que fermer ma gueule et dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation de merde, quoi ?» Et aussi égalité et réconciliation, mais quand est-ce que vous avez commencé à parler du néocolonialisme, quoi? Putain, c'est chaud, quoi. On n'est pas sortis, enfin, merde. De la part de la France? Oui. Mais bien sûr, on le dénonce. Mais genre le Total en Algérie, est-ce que... genre le CFA, genre réveillez-vous les mecs. D'accord, quels sont les partis qui se sont opposés à la guerre en Syrie, à la guerre en Libye et aux interventions étrangères de la France en général? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est pas ça le l'impérialisme? Tu sais pourquoi la France elle s'est opposée à l'invasion de l'Irak? Parce que Total avait des intérêts pétroliers, vous connaissez pas? Non, vous connaissez pas le contexte? Quel est le parti qui s'est opposé à la guerre en Libye et à la guerre en Syrie? Le seul parti? Je sais pas. Front National. Et alors, moi je trouve que c'est une guerre... Mais attends, je comprends pas, pourquoi tu défends le Front National si t'as égalité et réconciliation? Non mais je te dis, Moi je suis pas de... Moi je suis dans aucun parti de gauche, j'en ai rien. Moi non plus, j'en ai rien à foutre du Front National. Mais voilà. Je te dis, voilà, c'est une contradiction du discours de gauche en général, c'est qu'en réalité, ceux qui s'opposent aux guerres... Ah mais moi je trouve que Mélenchon, il a un discours hyper ambigu par rapport à la colonisation. Grave, il y a pas de problème, hein. Et il a aussi un discours ambigu par rapport à la patrie, hein. Mais pourquoi t'es contre la patrie? C'est ça qui... Mais pourquoi toi t'es pour la patrie? France, c'est du néocolonialisme, c'est l'esclavage. Pourquoi t'es pour? Qu'est-ce que tu veux défendre là-dedans? Qu'est-ce que la France a amené au monde, à part la misère et les guerres et l'esclavage et la domination? Qu'est-ce que la France a apporté? Rien. Rien. Elle a rien apporté au monde, la France. Non, non. D'accord. Non. Moi, je te pose si une le question. Prix des Lumières, c'est l'esclavage, je crache sur la déclaration des droits de l'homme. Il n'y a pas de problème. Ok, je veux juste te poser une question. Tu sais que les gouvernements sud-américains... Ouais. Tu t'en penses quoi, globalement? J'ai pas d'avis parce que... Ils sont dans une logique d'émancipation. C'est trop drôle parce que là tu vas encore comparer des nations qui ont été colonisées à des nations colonisatrices. Tu peux pas faire ça en fait, simplement, tu peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, j'ai pas le droit de me revendiquer d'un nationalisme d'émancipation. Tu peux faire ce que tu veux, mais ça ne veut rien dire. Donc tu peux continuer ton mythe de faire comme si des nations colonisées et colonisatrices c'était pareil. Continue ton délire. C'était pareil. Tu assimiles. C'est des nations qui se battent contre l'impérialisme. D'accord, et nous on n'est pas sous domination impérialiste pour toi. C'est-à-dire pas genre des puissances nous, on est les qui s'appellent les États-Unis. On n'a pas de rapport. Oui, ça ne veut pas dire que la France n'est pas une nation qui a colonisé le monde. Il faut arrêter de réécrire l'histoire. On n'a pas eu besoin des États-Unis pour coloniser la moitié de la planète. Il faut arrêter de réécrire l'histoire tout le temps. On n'aime pas être française. C'est un truc de ouf. Je sais pas, qu'est-ce que. C'est quoi la France pour vous? C'est quoi? C'est un clocher dans un village? Ma mère, elle vient du fin fond de la France. Qu'est-ce que. Moi, j'aime les humains, j'aime ma grand-mère, voilà. Qu'est-ce que française? Donc tu m'aimes? Bah, pas tes idées, non. Bah, pourtant, tu viens de dire que tu aimais les humains. Mais sauf que quand on n'est pas d'accord avec toi, tu nous aimes plus. C'est bizarre. Tu défends un argumentaire qui a justifié la mort pas du tout, de parce que millions de personnes. Mais non, mais si, moi je me revendique pas du nationalisme. Ça, c'est du suprémacisme blanc. Mais pas du si, tout. Si. Je suis pas, je vais pas soutenir des nations colonisatrices qui continuent à coloniser le monde aujourd'hui. Non, attends. Je suis plus issu de l'immigration que tu ne l'es toi-même. Ouais, et alors? Moi, je me revendique d'un nationalisme d'émancipation chaviste. Je me revendique pas, parce que toi, tu, sous le terme nationalisme, tu... On peut pas mettre sur le même plan des nations colonisées et des nations colonisatrices. Et pourquoi pas? Et pourquoi mais on pourrait pas se revendiquer? Mais parce qu'il y a un putain de rapport de force. C'est comme les hommes et les femmes, on n'est pas sur le même rapport de force dans le monde. Tu peux pas mettre sur le même plan... la nation française pour le bénéfice du peuple français? Ça me parle pas du tout. Alors que le peuple français, comment il... arrêter de coloniser et de néocoloniser. Comment on fait pour arrêter de coloniser? Quels moyens on utilise? Par exemple, t'arrêtes tes multinationales qui vont forer en Algérie, en Argentine, tu arrêtes ça. Mais elles le font pas au nom de la France, elles le font exemple, au nom du grand capital. T'arrêtes de faire du bullying à l'ONU, du grand capital. Non mais c'est bon, vraiment c'est bon. Vraiment c'est bon. Mais vous êtes négationniste de l'histoire, vous réécrivez l'histoire, donc c'est pas... Quoi, tu vas me dire que Total a une logique de défense de la France? C'est pas une transnationale. L'État défend Total. Vous êtes Ouais. Bah oui. C'est chaud. Arrêtez de filmer. Mais pourquoi? Mais crois pas que j'essaie de te censurer. J'en ai rien à foutre. Vous êtes des fachos, c'est tout. Tout ce que tu veux, c'est justifier ton truc facho. Ouais, on a arrêté de filmer là. Bah, on est des fachos, mais c'est toi qui veux pas débattre. Hein. Lol, mais après, vous allez dire que vous êtes censuré, c'est trop drôle. On n'est pas d'accord. Bah, c'est pas le cas. Demande-leur d'arrêter de filmer ce qu'ils sont en train de filmer. Tu vois, mais je m'en fous. Ouais, elle s'en fout, elle s'en fout. Je m'en fous. Je lui ai dit depuis, ça fait un moment que je lui ai dit. Dites-moi, est-ce que je peux continuer à vous filmer ou pas? Non. D'accord, j'arrête. Mais là, l'intolérance, elle vient de vous, elle vient pas de moi. Moi, je viens vers toi pour discuter. Je viens vers toi pour discuter. C'est trop triste. C'est une réalité. C'est le contraire de ce que tu dis. À chaque fois, tu retournes les trucs de victime. C'est le contraire des valeurs que tu défends. C'est juste ça, c'est tout. Tu dis que t'es tolérant. Je suis pas tolérante, on va pas. Facho, c'est clair, hein. Mais moi je suis un facho, moi. Bah si tu viens défendre un discours de facho, t'es un facho. Et c'est quoi mon discours? T'as pas voulu m'entendre. Arrête de défendre un pays colonialiste, putain. Je défends pas la conscience. Aujourd'hui, la France est colonialiste. Oui. D'accord. Moi, la France que je défends, c'est pas la France actuelle, c'est pas le gouvernement français actuel, tu vois. Tu peux pas mettre sur le même plan deux types de pays colonisés, colonisateurs. Tu ne peux pas. Pour moi, la France est colonisée actuellement. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Oh non, mais vas-y, mais pars. Bon, en tout cas, merci, les gars. Allez, à bientôt. À bientôt, je croyais pas si bien dire. Alain Soral. Ça fait mal, oui. Ouais, c'était vraiment dur, là. J'ai pris des notes, moi, parce que c'est à chaque fois, c'est pareil, c'est une synthèse. C'était vraiment la manifestation des abrutis, quoi. Hein, il y avait le... C'était la totale. Il y a plusieurs choses. C'est qu'à chaque fois, si tu écoutes bien, le modèle qui sert de base à tout leur discours, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'antisémitisme a muté aujourd'hui en anti-islamisme. Or, je rappelle une fois de plus, parce que l'antisémitisme est le mot antisémitisme a été créé par la communauté juive organisée au XIXe siècle, pour faire passer le judéo-criticisme, c'est-à-dire la critique d'un système de valeurs qui est un système de valeurs raciales et de domination, pour du racisme. C'est déjà une manipulation sémantique dans un but d'inversion, hein, d'inversion de sens. Donc déjà, si tu regardes à l'origine de tout ça, qui a produit cette idéologie de la haine de soi? Parce que là, on est vraiment dans la haine de soi, puisque c'est une Française qui hait la France, comme si la France n'avait apporté rien de bon au monde, etc., alors qu'elle parle français, et que même toutes ces valeurs antiracistes sont le logiciel humaniste français, mais malheureusement descendu à un niveau d'abrutissement à l'américaine, qui a produit toute cette idéologie de la haine de soi? C'est pas le discours humaniste fondamental, je dirais, des Montaigne et la Boétie, c'est un discours humanisme dévoyé et dévié par des, comment dirais-je, des... j'ai cherché un mot délicat, par des gens qui ont une stratégie de soumission de la France. Hein. Et là, je suis désolé, on retombe sur les mêmes sujets. Hein. C'est-à-dire, effectivement, son logiciel sait que tout vient de l'antisémitisme et tout est une mutation de l'antisémitisme, alors qu'en réalité, l'antisémitisme n'existe pas dans ce sens-là. Hein. Quelles sont les forces qui nous gavent de cette idéologie de haine de soi, d'incompréhension du monde, d'ethnomasochisme et de débilité profonde, là, on retombe sur Alain Jakubowicz, la LICRA, et c'est toujours pareil, quoi. Vraiment, le problème est là. Hein, voilà. Et ce qui est tragique, c'est qu'après des décennies et des décennies de matraquage, pour ne pas dire des siècles, on arrive à produire un peuple qui, au départ, par sa mentalité chrétienne, hein, parce qu'on voit bien que s'il n'y avait pas la mentalité chrétienne de base et qu'on était sur une société de type spartiate, ou même de type tribal africaine, ça pourrait pas passer, ce genre de discours. Mais comme on est sur une société dont la base est l'universalisme chrétien muté en universalisme humaniste, c'est une idéologie, je dirais, poreuse et fragile quand elle est manipulée par des pervers. Or, on est bien aujourd'hui effectivement face à des chrétiens qui s'ignorent comme chrétiens, manipulés par des pervers qu'ils n'ont pas identifiés, qui les poussent à la haine d'eux-mêmes et à la soumission finalement, à des dominants qui sont, dans la réalité pratique, tout ce qu'ils prétendent combattre. Hein. Parce que si on regardait bien là où tu l'amenais, sur effectivement qui s'oppose aux guerres de destruction, effectivement, de la Libye récente ou de la Syrie, si elle a été capable de connecter, d'établir des médiations, ce qu'elle est incapable de faire, parce qu'elle a immédiatement le stimulus pavlovien antifasciste, au moment où elle pourrait établir des médiations qui fait que tu l'amènes sur un chemin de réflexion sérieuse, elle te balance fasciste. Parce qu'elle ne peut pas, supporter ses propres contradictions. Tu vois. Et donc on voit bien toute la mécanique qui a été mise en place anti-racisme, anti-fascisme, par la communauté dominante qu'on n'a pas le droit de nommer, dans le but de soumettre un peuple généreux et chrétien pour en faire une horde d'abrutis, et jouant systématiquement contre leurs intérêts collectifs. Hein, et amenant, au bout de tout ça, un chaos total. Parce que non seulement ça crée de l'ethnomasochisme, c'est la petite blanche stupide féministe qui finalement a poussé à ton agression, mais derrière, symétriquement, ça amène au racisme antiraciste, c'est-à-dire au désir de à la justification d'un désir de vengeance, de violence, de gens qui sont souvent des arrivistes individuels ou des paresseux, je ne vais pas citer tous les traîtres que j'ai pris dans la gueule récemment, et qui se servent de ce discours d'antiracisme pour justifier leur immoralité pratique, hein, c'est-à-dire la trahison, la violence, le non-respect des valeurs. Hein, voilà. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des abrutis ethnomasochistes manipulés par des racistes et des dominants authentiques qui sont des éternels racistes et impérialistes. Il suffit de voir ce qui se passe en Palestine aujourd'hui pour le comprendre. Hein, et qui manipulent effectivement des gens qui effectivement ont été des victimes de l'histoire et qu'on pousse à être ce qu'on appelle des jaunes, hein, c'est-à-dire des nervis et des capots pour pratiquer la violence au cas où le manipulé prendrait conscience de sa manipulation. Et c'est exactement ce qui amène à ton agression, à ma diabolisation, et à cette douloureuse prise en sandwich entre la communauté organisée et en bas les ceux que tu as vus à la manifestation, c'est-à-dire pris en sandwich entre les territoires perdus et les territoires occupés de la République. Xavier, un mot peut-être ? Ouais, que dire après ça ? C'est vrai que c'est... C'est assez effondrant, surtout que dans la vidéo que tu as publiée sur le site, on voit par exemple une banderole de l'autodéfense juive révolutionnaire. Donc après renseignement, on voit déjà que c'est un groupe pour le coup raciste, puisqu'il faut être juif pour en être. Donc c'est un groupe qui vient d'être créé et ils ont publié sur leur site un communiqué pour dire pourquoi ils ne signaient pas l'appel à manifester de la MAFED, le collectif qui a organisé la manifestation, bien qu'il marche, mais ils n'ont pas signé l'appel. Donc ils expliquent « Nous avons constaté avec regret l'absence de la lutte contre l'antisémitisme de l'appel initial. Nous l'avons fait remarquer et avons conditionné notre signature à l'ajout de la mention de cette lutte. On nous a répondu que le texte était issu surtout des luttes contre les violences policières qui, c'est la vérité, ne touchent pas spécifiquement les juifs et les juives. » On nous a aussi répondu qu'il était difficile de modifier un texte déjà signé par autant d'organisations à si peu de temps de l'échéance. Nous entendons ces arguments, mais nous maintenons notre non-signature. Donc là, par exemple, il y avait une organisation raciste dans le cortège qui se revendique comme telle. Et ça ne dérangeait absolument pas les autres manifestants. Suprémaciste racial, hein, parce que la notion de peuple élu est un suprémacisme racial avoué. Et les Jeunes Amis de la Terre, t'as fait des recherches? Non, mais les Jeunes Amis de la Terre, c'est une organisation non gouvernementale, donc une ONG, les mêmes ONG que Vladimir Poutine a mis à la porte de Russie. En plus, c'est une ONG en déclin. Hein. Les Amis de la Terre, c'est un truc des années, fin des années 70. Donc c'est une ONG américaine. Ils doivent être 3 ou 4. Hein. Oui, il n'y a vraiment rien. Puis même, on ne comprend même pas pourquoi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, autre remarque aussi, cet antiracisme abstrait, parce que ça devient un espèce de concept vidé de toute réalité, amalgame systématiquement les Arabes et les Noirs. Comme si, en Afrique, parce que je rappelle que le Maghreb, c'est en Afrique du Nord, il y avait une solidarité des Arabes, qui ne sont d'ailleurs pas des Arabes, mais des Maghrébins arabisés par la conquête islamique, hein, et la domination turque. Il y avait une solidarité entre les Arabes et les Noirs. Il faut déjà rappeler qu'il y a un énorme racisme envers les Noirs de la part des Maghrébins, il suffit de voyager pour le savoir. Il y a une détestation cordiale entre les Marocains et les Algériens, qui est vraiment très forte, il faut le savoir aussi. Et puis de même, je pense qu'un Sénégalais n'aime pas du tout qu'on le prenne pour un Ivoirien, et réciproquement. Mais l'antiracisme a créé en fait une espèce une réconciliation magique de tous les non-blancs, et de tout même les noms français, qui seraient tous des frères, hein, avec cette escroquerie de s'appeler frères et sœurs, d'ailleurs. Et puis, ils seraient tous réconciliés en tant que les gentils et les bons, quoi, face aux méchants français, qui est effectivement l'éternel fautif. Je rappelle que, jusqu'à il y a encore quelques années, 40% de la population française étaient des agriculteurs, c'est-à-dire des gens enracinés qui n'avaient jamais voyagé plus loin que leur chef-lieu de canton, hein, et qui avaient passé leur vie à travailler la terre. C'est pour ça que la France est un magnifique jardin, car le français est un très gros travailleur. Hein. Il suffit de voyager dans les pays du sud où il fait plus chaud pour se rendre compte de la différence de capacité de travail et de production entre les peuples du nord et les peuples du sud, ce qui peut sans doute aussi expliquer certaines choses en termes de développement civilisationnel. Voyez. Donc ça, c'est première remarque. Et je vais en faire une deuxième. C'est qu'il est tragique qu'une conne comme celle qu'on a entendue tout à l'heure en arrive finalement au bout de son discours de haine de la France de, comment dirais-je, oublier Debussy et Fauré pour s'extasier devant un joueur de djembé. Hein. C'est vraiment une catastrophe culturelle, là, voilà. Hein. Mais je pense que tout ça aura sa sanction en dernière instance. Hein, ça aura sa sanction. Hein. C'est que, avec ce qui se passe en ce moment, la submersion, la trahison aussi de soi-disant nos élites patriotes et cocardières, parce que le nombre de conneries qu'elle a alignées comme un collier de perles de bourgeoises, c'était proprement hallucinant. C'est-à-dire, aujourd'hui, les élites politiques françaises seraient des nationalistes exacerbés qui mettraient en avant et avant tout les intérêts de franco-français. Ça serait ça. Ouais. Donc, je veux dire, je pense que ces gens-là méritent. Ce qui va malheureusement nous arriver, c'est malheureusement ce qui est dégueulasse, c'est que nous, on soit les victimes collatérales de leurs conneries, conneries haineuses et de leur masochisme. Parce que finalement, c'est une haine qui croit se diriger vers un ennemi fictif et qui, en réalité, est eux-mêmes. Vous voyez, on est dans de la psychiatrie. Vous savez, c'est les gens qui s'automutilent, mais ils n'en ont pas conscience, sauf au moment de la douleur physique qui devient incontournable, quoi. Et cet argument qu'elle m'oppose, et d'ailleurs c'est pas la seule, à chaque fois que j'en parle on me dit ça, quand je dis oui mais moi je me revendique du nationalisme d'émancipation à la Chavez, on me dit oui mais tu peux pas comparer une nation opprimée et une nation qui a opprimé toute son histoire. Ça c'est un vrai concept, c'est vrai que ça a pu être fonctionnel jusqu'à une certaine époque. Mais aujourd'hui au nom de ça, ne pas vouloir voir que la France est un pays en déclin en tant que puissance dominante et qui a été trahi par ses élites et qui, après la mise au rancard de De Gaulle, est progressivement passé totalement dans la soumission à l'impérialisme américain et américano-sioniste, c'est simplement mentir. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que cette personne jouit, en fait, de façon, je dirais, abstraite et atemporelle, d'une culpabilité française qu'elle veut ahistoriciser. C'est-à-dire que normalement, elle devrait dire « Oui, la France a commis des fautes. » Et je le dis, ces fautes, c'est le mensonge du colonialisme de la Troisième République, qui est un mensonge de gauche, hein, même si c'est l'extrême droite qui a la bêtise de l'assumer aujourd'hui, parce que l'extrême droite a toujours la bêtise d'assumer les fautes des autres. Aujourd'hui, la France est un pays dominé qui joue contre ses intérêts, à tous les niveaux. On voit bien la manière dont, Peugeot a perdu ses marchés en Iran pour se soumettre via la pression de l'État français à l'impérialisme américain, et qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans l'ethnomasochisme, même au niveau de notre tissu industriel et de les élites économiques. Oui, on le voit avec la vente d'Alstom, hein, qui est une trahison pour que nous perdions le contrôle de notre haute technologie. La réalité ne l'intéresse pas. En réalité, elle est dans un espèce de confort. C'est ça qui est tragique, c'est qu'en plus tout ça, c'est du confort, c'est de la bêtise et du confort, un confort intellectuel et morale qui amène à la fin à un chaos dont elle sera effectivement aussi la victime. Parce que là, je pense que la justice immanente, c'est ça. C'est quand on est systématiquement dans l'adhésion sans aucun recul d'idéologie dysfonctionnelle, on finit par l'avoir dans le cul. Mais malheureusement, le problème, c'est que moi, j'ai pas envie d'être la victime collatérale de cette conne. Comme toi, d'ailleurs, tu as été la victime collatérale de cette conne, puisque tu as subi une agression à cause d'elle. Hein. Parce qu'en fait, poussée dans ses contradictions dialectiques, à la fin, elle a appelé à la violence contre toi parce qu'elle voulait pas qu'il reste de traces enregistrées de ces contradictions dialectiques. Hein. Ça prouve bien que ces gens-là sont dans la mauvaise foi et la mauvaise conscience, d'une certaine manière, qui, comme elles ne peuvent pas s'identifier comme telles, débouchent sur la violence et la violence envers les autres, hein, évidemment. Parce que, à la limite, ce que j'aimerais, c'est que ces gens-là soient ethnomasochistes jusqu'au bout à la Yann Palak, c'est-à-dire qu'elles s'immolent par le feu en tant que sale connasse de française blanche. Qu'elle aille au bout de sa logique, qu'elle s'auto-détruise, puisque de toute façon, c'est en elle. Et c'est en elle, comme elle l'a bien dit, de façon intemporelle, essentielle et définitive. Hein, puisqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a plus de dialectique avec elle. Donc que ces gens-là aient la gentillesse et la cohérence de tous s'immoler par le feu, ça fera beaucoup de bien au pays. Alors avant ça, elle m'a demandé quand même d'effacer les vidéos. Donc là, on va entrer dans la mécanique de l'agression. Elle est revenue à peu près 30 minutes après cette interview. J'ai continué à faire des interviews moyennement intéressantes. Et elle est revenue vers moi. Quelqu'un a filmé, donc l'un de ses amis filmait ce qu'elle était en train de me dire. Donc vous allez écouter ça. J'aimerais que les images ne soient pas diffusées. C'est comment à l'image. J'aimerais que les images ne soient pas diffusées plus tard. Bah, on peut te looter. Non. Pas droit à l'image. En plus, je vois pas ce que ça peut te faire parce qu'on n'a pas d'accord. Donc, de toute façon, je sais pas quel est votre but d'ailleurs ici. Mais je sais pas quel est votre but en fait dans cette manifestation. Mais de toute façon, je veux pas que les images. Notre but, c'est vraiment de discuter là. Franchement, on voit pas de but caché. Maintenant, moi je te dis, vous diffusez pas les images. Ok ? Bah écoute, on va peut-être te flouter, je te cache non. pas. Non. Bah, sinon, tu porteras plainte. Ok. Pas de problème, merci. Donc là, manifestement, il y a un point juridique qu'elle ignore, c'est-à-dire que comme elle a accepté de se faire interviewer... Dans une manifestation publique à laquelle elle participe. Voilà, exactement. Et que c'était fait... Je l'ai cherché chez elle. Et qu'en plus, elle savait qui on était, puisque dès le milieu de l'interview, elle a su, elle a dit « je m'en fous, autant que... enfin, tant mieux si ER peut entendre mes propos ». Donc là, elle a aucun droit à l'image, en fait. Et puis surtout, le droit à l'image, c'est marrant pour des gens qui sont des gauchistes, qui prétendent lutter contre l'État bourgeois. Elle aurait pu parler de copyright aussi, Panky. D'un seul coup, tu sais, c'est comme tous ces gauchistes qui appellent la police dès que ça va pas, alors qu'ils crient mort aux flics toute la journée. C'est vraiment... On touche la réalité profonde de leur être, hein, qui est d'ailleurs un être disloqué et incohérent. Le droit à l'image, mon cul, je veux dire, quand tu prétends être une gauchiste de combat, tu parles pas de droit à l'image, elle se croit, surtout par rapport à un média internet marginal, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas d'argument, c'est la haine de l'autre qui s'exprime, c'est qu'en fait... Elle revient sur le fait qu'elle ait discuté avec toi et c'est « je te nie au point tel que je veux que tu cesses elle veut que tu cesses d'exister en réalité. » Donc, t'effaces la bande et puis je t'efface la gueule. Quoi, tu vois, et elle est allée rameuter une quinzaine de types hein, quand elle revient vers toi. Là, hein, voilà, donc, ils ont déjà programmé de t'agresser. Mais ça, c'est le gauchisme dans toute son abjection. Hein. Et je précise qu'on a croisé des journalistes de BFM TV qui, eux, n'ont pas été agressés. Donc là, c'est encore une fois tout le mensonge. Oui, mais parce que là, le droit à l'image, ça leur plaît parce qu'ils vont peut-être passer dans les médias. Là, c'est le côté vu à la télé. Parce qu'en réalité, ces gens qui parlent de leur droit à l'image et de leur engagement d'extrême-gauche seraient prêts à aller à genoux jusqu'à Canal+, pour 2 minutes d'interview. Hein. Ça, je l'ai vérifié auprès de tous les tocards que je fréquente dans la dissidence. Ils ont un discours, anti-institutionnel et anti-média mainstream, mais ils sont prêts à toutes les trahisons et à tous les suçages de bites pour 1 minute d'interview sur Canal+, parce que y a un truc, la société du spectacle en fait les domine entièrement, et les domine d'autant plus qu'ils n'ont aucun discours critique construit et qu'ils rêvent tous finalement de leur petite minute de gloire à la Andy Warhol, hein. il faut pas oublier. Hein. Xavier ? T'as rien à dire ? Mais il est un peu consterné, hein. T'étais suffoqué, hein, toi. Non, mais puis c'est toujours la dialectique un peu gauchiste qui vient des États-Unis, je pense. Toujours, il n'y a que des droits, il n'y a jamais de devoirs. C'est le droit au logement, le droit à l'image. Non, puis la société de droit, c'est la société bourgeoise par excellence. La société de contrat, il faut lire Weber. On n'est pas dans la morale. Ouais, tu vois, dans la morale, limite de faire un procès, quoi. Orwell, c'est Orwell la bonne référence. La common decency, tu vois. Y a, comme dit d'ailleurs Gilad Atzmon, normalement, un peuple fondamentalement moral n'a pas besoin de commandements et de table de la loi. Parce que tout ça est en toi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ressens profondément ce que c'est que le mensonge, la trahison. T'as pas besoin qu'on te le fasse apprendre par cœur et copier 100 fois, tu vois. Donc ces gens-là, qui sont contre l'état de droit, contre l'état bourgeois, passent leur temps à parler de leurs droits quand ils sont mis en porte-à-faux et à appeler la police chaque fois qu'ils sont en plus qu'ils se sentent en fragilité, parce que ce sont des agresseurs lâches et des agresseurs faibles, parce qu'en réalité, ils ne tiennent pas le haut du pavé du baston, sauf quand ils attaquent à 15 contre 1, comme tu as pu le vivre, et moi aussi, plusieurs fois. Hein. Et d'ailleurs, je remarque bien que les agressions que j'ai subies, c'était l'ALDJ et... comment s'appelle Paris, machin... Paris banlieue antifasciste. Et on a bien vérifié qu'il y avait collusion totale entre les deux groupes. Hein. Il y a très longtemps que l'extrême gauche et même l'anarchisme officiel sont passés sous le contrôle sioniste. Hein. Très longtemps. En réalité, dans les faits, quand on établit les médiations concrètes, hein. Ça fait très longtemps que les groupes anarchistes et les groupes gauchistes sont soumis au sionisme réel. Hein. Ok, alors chers auditeurs, maintenant nous allons écouter le passage où je me fais agresser en soi. Alors sachez que l'enregistrement ne va pas jusqu'au bout, il s'arrête avant que je me fasse agresser en fait. On entend juste le début des cris antifascistes parce que bon, l'enregistreur n'a pas pu coucher sur la bande les derniers instants. Mais donc ça marche, l'enregistreur marche moins bien quand on donne des coups de pied dedans. Et par contre, vous pourrez observer bien sûr le contraste entre mon attitude vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire en fait très ouvert, cool, et eux qui sont d'une violence extrême. C'est assez désagréable à écouter, mais bon, enfin, on va s'infliger ça. Je peux vous poser quelques questions ? Oui, d'accord. C'est pour quel média ? C'est pour Égalité et Réconciliation, un média sur Internet. D'accord. Égalité et Réconciliation ? C'est ça. Sérieux ? C'est pas le truc avec Alain Soral ? Si, c'est ça. Non, c'est une blague. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est quoi ? Non. Non ? À égalité, non. Quoi ? Des questions basiques, hein. Qu'est-ce que vous faites non, là ? Non, mais peut-être qu'eux, ils vont bien répondre. Vous aimez pas égalité et réconciliation ? Ok, c'est votre droit le plus absolu. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour quelle télé ? C'est pour ERTV. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? J'interview les gens. Juste comme ça. Ouais. T'interview, nickel, tu rentres. Ouais, je pose des questions aux gens. Pourquoi ? T'as pas l'impression qu'au niveau des contacts, il y a des choses que tu peux pas te permettre de faire ? Pourquoi ? T'es peut-être pas le bienvenu ici, tu vois. Qui ne veut pas que je sois là ? Pas mal de personnes qui vous ont vu sur d'autres événements qui ne correspondent pas du tout à la charte de ce qui est fait ici. J'ai pas entendu. Sur les valeurs ici, c'est pas du tout la même chose, c'est tout. Ça empêche pas que j'ai le droit d'être ici, non ? Ouais, mais pas avec tes caméras. Pas avec ton micro, tes caméras pour interviewer du monde. Donc tu dégages, non mais vraiment, honnêtement. Non, tu vas pas me dire ça. Mais si, je peux te le dire. Je te le dis en face, il n'y a pas de problème d'ego ou de virilité ou quoi que ce soit. Je te dis juste que là, t'es sur un événement où égalité et réconciliation n'a rien à faire. Au niveau d'opposition politique, c'est impossible que vous y êtes là. C'est une insulte à pas mal de monde sur vos positions que vous avez en général. Il y a plein de moments où vous êtes du côté de la police. Et là, il y a des gens qui sont restés en deuil pendant des années parce que la police a tué des gens, tu vois. Et égalité et réconciliation, ouais, moi, je suis pas pour au ça, quotidien... Hein. Je défends pas les policiers qui tuent des gens. Au quotidien, égalité et réconciliation, vous êtes du côté des gens qui défendent la police. Quand vous discutez avec le FN, quand vous discutez avec les extrêmes droites françaises, et quand vous êtes intégré à l'intérieur, vous êtes dans la matrice, vous discutez avec des gens qui soutiennent ça. Donc il n'y a aucune raison que vous puissiez venir ici. Oh, mais il y a toutes les raisons qu'on vienne ici pour discuter. Il n'y a aucune raison. Mais si, on est là pour discuter. Il n'y a aucune raison. Tu n'es pas là pour discuter, tu es là pour un événement médiatique, tu viens avec ta caméra. Bah ouais, pour. Si tu veux discuter, tu viens en tant que personne individuelle lambda, tu sors ta caméra. Quoi ? Ouais, non, mais je m'en fous, je vais enregistrer. Non, mais tu vois, le fait, c'est que tu peux pas venir ici. Mais le problème, c'est que en fait, j'ai le droit d'être ici, tu vois. C'est mon droit de citoyen. Moi, je m'en fous du droit. Je te dis juste que là, l'événement dans lequel tu es, il n'y a aucune raison que tu viennes. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je pense qu'il y a des raisons que je vienne justement pour débattre et pour construire tout ça. Partez. Pourquoi? Parce que je ne sais pas être là. Mais si tu ne sais pas être là, toi non plus, alors moi, est-ce que je vais te dire pars? Non, tu ne peux pas. Mais non, je suis à la manif parce que j'ai raison d'être là, toi t'en as pas. J'ai le droit. Mais non, c'est ouf. J'ai absolument le droit. Non, t'as absolument pas le droit. Je fais œuvre de... Je fais un pas vers vous, je m'éloigne. Alerta, antifascista, donc c'est les derniers mots qu'on peut entendre dans l'enregistrement. Ils avaient organisé l'agression, là, puisqu'ils avaient rameuté. Donc on est passé du droit à l'image au droit du plus fort, assez vite, là. Hein, quand à un moment donné, la dialectique est défaillante. En fait, tout ça est assez universel et anthropologiquement classique. Hein, c'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'on appelle l'ultima ratio chez les Romains, c'est-à-dire que quand j'ai plus d'arguments, si j'en ai les moyens, je te pète la gueule. C'est ça que ça veut dire. En fait, on est face vraiment à la lie de l'humanité. D'ailleurs, quand tu vois cette manif, c'est dommage qu'on n'ait pas les images, mais c'est tout ce qui est contraire aux valeurs et sur le plan moral et esthétique. T'as envie de gerber, tu vois, de A à Z. Tu te dis, la vie est ailleurs, le bonheur est ailleurs, la vérité est ailleurs, la beauté est ailleurs. Tu vois, t'as presque envie effectivement, d'un communautarisme de séparation ou d'un développement séparé. Tu sais, t'as envie de leur dire, on va vous laisser Barbès. Mais restez entre vous, quoi, à la limite, puisque ils sont dans l'entre-soi, t'as bien vu, ils ne veulent pas de toi et de nous. Restez vraiment entre vous, quoi. Mais cela dit, j'ai quand même l'impression que c'était une... Écoutez les extraits, que c'était une manifestation de femmes blanches, non? C'était pour les deux gars qui s'étaient fait électrocuter en 2005. Qu'il y a peut-être un peu de fantasme derrière. Je pense que les copains des types qui sont morts électrocutés, ce qui est tragique, hein, deux gamins qui fuient la police, qui rentrent dans un transformateur et qui meurent, bon, c'est tragique. C'était il y a 10 ans. En fait, il y a la manipulation d'une réalité triste qui a beaucoup à voir avec les banlieues. Hein. Mais les banlieues, les vraies banlieues, les ghettos de banlieue, puisque là, on est sur des jeunes pleins d'énergie qui s'emmerdent, qui tournent en rond, dont défier la police, c'est une activité... Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, il y avait les gardiens. À l'époque, c'était les gardiens. On les faisait chier en permanence. C'était en général des mutilés de guerre, de la guerre d'Algérie, d'ailleurs, qui avaient souvent des pattes folles, et on les faisait courir, parce qu'il fallait qu'on s'occupe. Donc, on est dans un drame de l'adolescence un peu ghettoisé, manipulé par d'autres, parce que les amis de ces jeunes ou les gens qui finalement incarnent cette jeunesse de ces deux garçons n'étaient pas à la manif, c'est une évidence. C'est la manipulation d'une réalité sociale qui n'est pas joyeuse et qu'on peut déplorer, effectivement, les lieux de banalisation, les banlieues françaises et les jeunes issus de la migration qui ont un vrai mal-être qu'il faut analyser, utilisé par d'autres que des petits cons, des petits blancs, des petits antifascistes, des petits antiracistes de la ville. Mais c'est plutôt rassurant qu'ils n'étaient pas. Oui, bien sûr, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi d'une certaine manière. Finalement, le pire, c'est le petit con d'antifa, antiraciste blanc de la moyenne bourgeoisie, souvent ici du milieu de l'éducation nationale, encarté dans des espèces d'assos qui sont toutes liées à plus ou moins longue distance au PS et même si on va plus loin à la CIA. Les amis de ces deux jeunes qui étaient morts, je suis sûr d'ailleurs que si tu demandais les prénoms, ils les savaient pas, tu vois, ils n'étaient pas là, hein, et ils se sentent pas concernés par ce genre de truc, hein. D'ailleurs, la manif avait lieu entre Barbès et République, donc dans Paris intramuros. Les jeunes les jeunes camarades de ces deux victimes d'une tragédie ne passent jamais le périph. Hein. Ça aurait dû se passer là-bas. Voilà. Donc on est toujours aussi pareil dans la manipulation, la récupération, l'illégitimité. Et surtout, finalement, le Français de base qui voit cette manif, sa haine, elle va envers qui? Finalement, envers les jeunes des cités, qui finalement n'ont pas demandé qu'on parle en leur nom, qu'on n'ont pas demandé qu'on manipule leur mal-être, et qui d'ailleurs, s'ils s'exprimaient, ça on peut le constater, sont en général, quand ils s'expriment, beaucoup plus proches d'égalité et réconciliation, et même souvent très proches de moi et de Dieudonné et moi, en réalité, c'est ça. Donc on est vraiment dans une manipulation totalement illégitime, Parce que je te garantis que ces jeunes des cités que je connais à travers notamment le sport et à travers des rencontres dans des tas de meetings que je fais depuis des années, ne se reconnaissent absolument pas dans ces espèces d'antiracistes, antifascistes, petits blancs. Et même, c'est d'ailleurs la haine de ces petits blancs envers toi, qui est censé être mon représentant, c'est qu'ils ont perdu le contrôle sur ces jeunes. En réalité, c'est pour ça qu'ils nous agressent et qu'ils nous détestent. Parce que la réalité profonde, c'est qu'on a, on est beaucoup plus en phase et en sympathie avec ces jeunes issus des quartiers qu'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont violents envers nous. C'est qu'on leur a fait perdre, d'une certaine manière, par notre action pédagogique et assez honnête, et de terrain, hein, on leur a fait perdre leur marché. On leur a fait perdre leur clientèle, en réalité. Hein, on leur a fait perdre leurs esclaves. Hein, on leur a fait perdre parce que on est quand même dans un rapport là de domination qu'il faut bien mettre en avant. C'est-à-dire que c'est des petits blancs du centre-ville encartés dans des associations de gauche antiracistes qui prétendent parler au nom d'eux et manipuler des jeunes qui ne se reconnaissent pas du tout entre eux, en eux, je veux dire. Hein, voilà, et qui se sentent beaucoup plus proches en réalité de Dieudonné, de moi et de Égalité et Réconciliation. Et je pense que toute la violence et la haine que tu as subie vient de ce constat dont ils sont absolument conscients. J'ai effectivement, par un travail critique, honnête et sérieux sur des années et des années, mis Besancenot à poil. Hein. C'est la réalité. Et ça, il ne le supporte pas. Mais je l'ai mis à poil parce qu'il est, parce que le roi est nu, d'une certaine manière. Hein. Alain Soral, on vous retrouve le 22 novembre 2015, donc dimanche prochain, pour un Soral Répond, donc en direct, sur l'espace adhérent du site d'Égalité et Réconciliation. Donc c'est accessible aux adhérents. On va faire un décryptage de l'actualité du mois passé, ensemble. D'accord, bah je vais retourner bosser alors. Okay. Et en prendre plein la gueule. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Franck De Weer. Le morceau s'appelle L'homme parfait et est tiré de l'album Mes semblables, disponible en téléchargement sur contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. De sa personne et de son miel, dans ses yeux brûlait un néon, une ampoule noire, un halogène qui attirait des environs, tant les cafards que les phalènes, mais rien n'y fit, car son bourdon fut sa gangrène. Celui-là se prenait pour Apollon, le papillon du 5 à 7, il avait l'intime conviction d'être moitié homme, moitié insecte. Dans ses ailes sur les balcons, il nous bluffait en disant je me jette. Et quand le bon Dieu l'a pris au mot, sa chute fut brève. Nous sommes des mantes, des papillons, des cœurs serrés dans des petites bêtes. Inoffensive, mais plutôt laide, victime à répétition des piqûres, des guêpes, des abeilles. Mais un soir, au bout du rouleau, elle quitta la ruche dans son sommeil, en mixant de la drogue au bourbon dans un cocktail. Tenue au travers d'une aversion envers les siens, et dans ses rêves, elle menait l'extermination dans les allées de la termitière. Et quand il passa à l'action, qu'il dégomma, dit une frière, il retourna vers lui les canons de sa colère. Nous sommes des mantes, des papillons, des cœurs serrés dans des petites bêtes. Et notre araignée au plafond tisse des toiles jusque dans nos têtes. L'ombre fétide des cités d'Occident, toi qui piétines le terreau pathogène des bubouilles d'Amérique centrale, toi qui vois à Dubaï s'élever des colosses de béton comme la chronique d'une mort annoncée, toi, humanité, convoitant dès les premiers souffles brûlants de ta vie une renaissance meilleure, ajustée, optimisée, upgradée, élevée de toute anomalie dans un Éden dont tu as perdu la trace. Être vivant, grouillant d'oxymores. je te présente aujourd'hui l'homme parfait. Dénué de toute xénophobie, naïveté, jalousie, maladresse, susceptibilité. Incapable de mentir, aussi peu égoïste que violent. Cher ami, je te présente ce soir l'homme parfait.